tes blocs notes, ouais. Reprends tes feuilles à carreaux, reprends tes lunettes, hein. Reprends ton mini short, ouais. Reprends, reprends ton mini short. Laisse tomber la musique, la musique. Laisse tomber la musique, la musique. Laisse tomber la musique, la musique. Laisse tomber la musique, la musique. Reprends tes études, ouais. Reprends tes vilaines études. Reprends tes études, hein. Reprends tes vilaines études. Reprends la mater, hein.